ton rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bandi à la planète, à la familia. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle nuit aujourd'hui. La Saint-Valentin, ça va, ça a été. Tout s'est bien passé. Vous avez pas trop dormi, vous avez trop dormi. Voilà, vous cherchez encore peut-être votre Valentin, votre Valentine. Il est temps, peut-être. Il est temps à nouveau. Tiens, bah, racontez-moi un peu votre Saint-Valentin, vous pouvez m'appeler. Au standard ce matin, 02 38 43 48 00. Venez raconter un petit peu votre belle Saint-Valentin, papa. Ça me ferait du bien de savoir un peu les choses. 7h01, on est en direct. On a le son de Rihanna qui arrive. Et puis, Kinvé, un métier sérieux. Belle journée, bon réveil, vous sur la planète. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ah oui, moi j'ai envie de tout savoir sur votre Saint-Valentin. 02 38 43 48 00, courage à vous pour le boulot. Je sais que vous êtes déjà sur la route là, ou peut-être déjà sur le chantier, en train de faire peut-être le ménage, je sais pas moi, dans le bureau, en train de travailler sur des dossiers importants. Eh bien, on vous souhaite une très très bonne matinée avec la météo qui est plutôt pas mal ce matin. On en parle dans moins de 5 minutes. C'est Kinvé et Rihanna qui arrive. Ok, Kinvé phénoménal. Je ne pense que ma mère va encore m'inventer ce souci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se l'apporte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es centenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Au moins là, je saurais que je n'aurais plus de soucis à faire. Il s'attend que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Yeah. vous accompagne au boulot. C'est Francky. Sube la calor, llama en flama. je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. J'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento, sube, sube, sube la calor. Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento, sube, sube, sube la calor. How many other times? La météo. Allez, on s'appelle la météo pour ce mercredi matin. Eh bien, le ciel est assez couvert ce matin encore, avec du soleil qui devrait arriver au long de la journée. Des températures plutôt négatives, moins 1, et on devrait dépasser les 13 voire 14 degrés avec le soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Orléans, Saint-Jean-de-Bray, La Chapelle-Saint-Mémin. Voilà, José qui est là. Salut José, belle journée à toi, Francky. Je vais au top, je commence à 7h30. Bah, bon courage, mon ami, avec du son qui arrive. Et Lucenzo, Emigrante del Mundo. Bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Immigrante. C'est Lucenzo. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo représente. Moi, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi, j'ai compris ce qu'il me faut, c'est migranté. Défends tes origines avec une marque de qualité. Lucenzo MC bilingue comme des millions. Balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord, mon frère, voilà une bombe de marque. Une occasion de représenter, donc Lucenzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines. Latino forever, fier de ses origines. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque vie, n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo représente. Moi, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien de ma part. Mais où me vis, je viens représenter. Pour les latinos, pour la marque Emigrante. Emigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Lucenzo représente. Moi, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo représente. Moi, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo. Somos inmigrantes. Represente el país de tu corazón, wow, inmigrante del mundo. Somos inmigrantes. Represente el país de tu corazón, inmigrante del mundo. Somos inmigrantes. Represente el país de tu corazón, inmigrante del mundo. Somos inmigrantes. Represente el país de tu corazón. Escucha el mensaje. Salud, Lucenzo. C'est Lucenzo. Bah oui, mais il le dit lui-même. Lucenzo qui sera à Orléans bientôt, cette semaine d'ailleurs. On vous en parle tout à l'heure en direct. 7h20 minutes en direct d'Orléans. Merci à Katia qui est là aussi. Merci à Nadia qui est connectée aujourd'hui. 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut tous les matins avec le meilleur des souvenirs. Chef Mamie, toute la famille parisienne du Nord avec Kamel sur Aller Arc-en-Ciel pour Stéphane qui nous écoute à Saran. Bonne journée à toi mon ami. Et puis vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. Racontez-moi un petit peu votre Saint-Valentin parisien du Nord. Chef Mamie. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça, pour un pied dans moi. Allez, on gère catholique, on goûte tout étranger, on a un éhame. On t'a cité blédique, on a un éhame, on t'a un éhame. Allez, on gère catholique, on goûte tout étranger, on a un éhame. On t'a cité blédique, on a un éhame, on t'a un éhame. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Ou un pied dans moi, elle a tout hérité, un pied dans moi. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Vous m'avez trahi, elle a tout hérité, vous m'avez trahi. Le chauffeur comme les terminés, elle est où elle est, elle est où elle est. Pourtant, c'est une dame, ou elle est chère, ou elle est. Le comme les terminés, elle est où elle est, elle est où elle est. Pourtant, c'est une dame, ou elle est chère, ou comme ça. Vous m'avez trahi comme ça. Ou un peu d'amour. Elle a tout aimé. Ou un peu d'amour. Comme ça. Vous m'avez trahi comme ça. Ou un peu d'amour. Elle a tout aimé. Ou un peu d'amour. sais. Parisien du Nord, clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le pavé qui a taffé ramé pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir des jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire. Kamel avec Chef Mami, parisien du Nord, le meilleur des souvenirs des années 90. Ça fait du bien de faire écouter un petit peu des titres comme ça pour Stéphane de Saran qui nous écoute aujourd'hui 96 FM. Merci à la famille d'être là, on est en direct. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bah oui, on vous réveille ce matin et puis la Saint-Valentin s'est bien passé ou pas. Hier soir, il y a Isabelle qui nous dit bah moi je l'ai fait sans Valentin, voilà, tranquille chez moi avec ma fille, on a passé une belle soirée. Ça fait du bien de pas avoir d'amoureux des fois. Bah des fois ça fait du bien, des fois non. Le meilleur des souvenirs, on vous l'a dit tous les matins pour vous réveiller en douceur sous la douche avec Si Demain, Turn Around. Est-ce que tu me reviendras? Je tiens non. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tiens non. Sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je tiens non. Pour habiter ma solitude, mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. plus si j'en pleure. Regarde-moi droit dans le cœur. Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Je ne sais plus comment te dire revivre nos souvenirs. J'ai même aussi volé ta peau. Oh, dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi. En direct ce matin, 96 FM. Merci d'être aussi nombreux tous les matins. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Vous venez de vous réveiller comme Sandra sur Orléans. Bah, bon réveil, Sandra. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Il y en a qui ont passé la Saint-Valentin avec leur petite chérie, chérie eux aussi peut-être, mais aussi le football hier, apparemment le pain, Paris Saint-Germain ils ont perdu, c'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est Stéphane qui me dit ça. Voilà, donc il y en a qui ont passé la soirée avec le football. Ben ouais, il y a des fans comme ça qui préfèrent plutôt faire une petite soirée football. Donc ça a perdu apparemment hier au PSG. Votre animal de compagnie, vous l'adorez, votre petit chien, vous le chouchoutez. Eh bien, on a trouvé le plus vieux chien du monde. Il est au Portugal. Il a été sacré le chien le plus âgé de la planète par le Guinness World Record. Il s'appelle Bobby, qui vit à Conqueros, au Portugal. Et en effet, il est âgé de 30 ans et 266 jours. Voilà, le chien le plus vieux du monde, qui est vachement médiatisé, parce que le propriétaire, un jeune homme de 40 balais, qui est assailli par les médias portugais en ce moment. Il est en pleine forme, il pèse 30 kilos, il est entouré de chats dans une maison à Conqueiro, dans un petit village près de Leras. J'espère que je le dis bien en portugais, j'espère. En tout cas, il se porte en pleine forme et en pleine santé. Donc ça se passe au Portugal pour ses 30 ans de ce petit toutou Bobby. Bonne journée, c'était hier. Bande à la planète avec Master Jack qui arrive et on adore. Coucou à Edouarda qui est connecté. Salut Edouarda, belle journée à toi. Francky, j'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va tranquille. La Saint-Valentin s'est bien passée, Edouarda. Vous pouvez nous envoyer vos messages 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Vous pouvez vous lâcher 02 38 43 48 00. Et je sais que vous l'adorez en ce moment. C'est Maluma qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. siento. Es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Más que extrañarte, estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novio, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. C'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-ciel. Que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão. Quando tu dizias pra pedir a tua mão. E o que faço eu? Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. Amo, me diz que eu posso. e vou amar-te. Questão resolvida, método de descarte B. Sou deste jajão, like Zé Calanga. Nem honesta não, muito menos franca. Que tamanho hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de bingue-lê. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Sur 9h, 96.2 FM le matin, merci d'être là, courage à vous si vous êtes dans la voiture pour aller au boulot, là on vous accompagne jusqu'à la porte du bureau sur le chantier en direct. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on parlait football tout à l'heure, le PSG apparemment ils ont perdu. J'aimerais bien qu'on me confirme quand même, parce que je suis pas du tout sport, pas football du moins, appelez-moi, tiens, 02 38 43 48 0-0. Et justement, en parlant football, on vous a décoté le plus vieux footballeur qui vient de re-signer. Alors normalement, le joueur de foot arrête sa carrière aux alentours de 30-35 ans, je crois, c'est ça à peu près, hein. Grand max. Eh bien, 56 ans, Kazuchi Miura, c'est un japonais qui vient de signer à Oliveirense au Portugal, j'espère que je le dis bien, en deuxième division, en version pro, ben voilà, 56 balais, le mec qui vient de re-signer pour 3 ans. Ben voilà, donc il va aller quasiment jouer au foot jusqu'à 60 ans. La retraite, c'est pas tout de suite hein, pour lui, hein. En tout cas, il doit être en pleine forme, hein, ce japonais qui vient de signer au Portugal à Oliveirense. Et on lui souhaite plein de belles choses. Etienne Daouk, elle a été lancée dans les années 70 par Alain Chamfort. Et on l'adore, et j'adore Etienne Dao. Voici un homme à la mer sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil, bon petit déj et belle journée si vous arrivez au top. C'était bien là le fameux paradis. Y mettre un pied marin mais se sentir saisi par ton regard chaud. Ton regard chaud. Oh, oh, alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire. Je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair, ton regard clair. Oh, oh, oh, aveuglé plein de toi vers la lumière. Quand le soleil incendie la mer, j'ai aimé ton mystère et je ne peux mieux faire. La première. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia. Eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes. Nicky Jam avec Alamante, vous l'adorez aussi sur Alamantiel, c'est ce que me dit Steph. J'adore ce mec, il est beau gosse en plus, c'est vrai, plein de tatouages. Bah, les tatouages ça attire apparemment, hein. Donc les gars, allez-y, hein. Au tatouage aujourd'hui. Le Portugal bien classé hein, pour passer sa retraite, troisième position pour le Portugal, où les gens aimeraient aller passer leur retraite là-haut. En deuxième, on a l'Espagne, où on aimerait aussi passer une belle retraite, et en position numéro 1. J'étais un peu surpris, c'est la Grèce, c'est ouais, numéro 1, on aimerait aller faire quelques jours paisibles ou vivre toute sa vie, sa fin de carrière là-haut, en Grèce, pourquoi pas. On est avec vous, Kungs, I Feel So Red, et on aura Impossible, la belle Sarah qui fait des belles reprises et qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel. météo. La météo pour aujourd'hui, ce mercredi, le ciel est couvert en ce début de matinée, mais le soleil fera son apparition au long de la journée avec des températures plutôt fraîches. Ce matin, -1, -2 degrés. Et ça devrait augmenter tout au long de la journée avec des températures qui vont monter jusqu'à 14 degrés. Et le rayon du sol sera là, donc ça va faire du bien, qui devrait se lever aux alentours de 10h, 11h. Mais avec quelques petits nuages, un peu moins de soleil qu'hier, mais ça devrait se maintenir tout au long de la semaine, sauf mercredi où ça va être assez grisâtre, et samedi aussi, et dimanche le beau temps devrait revenir. Voilà la bonne nouvelle, un week-end plutôt pas mal, on va dire. Impossible, on l'adore, Sarah, je suis allé voir sur YouTube ça sa chaîne, c'est énorme ce qu'elle fait, elle fait plein de reprises, la reprise de James Arthur, Impossible, Sarah H sur l'arc-en-ciel. Bon réveil à ceux qui venaient d'arriver sur Orléans, si vous allez au taf ce matin, et bien on est là malgré les vacances quand même, parce qu'il y en a qui sont en vacances aussi, c'est ce que me dit Nicolas, je suis en vacances, je viens de me réveiller, Radio Arc-en-ciel à l'écoute avec Sarah H, et c'est Impossible. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Baby, t'as besoin d'amour, de mes bises dans ton cou. De tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Baby, je vise et je viens. Baby, de plus en plus loin. Et soudain, quand tu viens. Ciel, 8h03, vous êtes peut-être sur la tangentielle, direction le taf là ce matin, ça roule plutôt pas mal, ça va. C'est les vacances scolaires, profitez, direction la crèche aussi pour emmener les enfants peut-être pour les faire garder, parce que bah il y en a qui travaillent quand même, hein, tout le monde n'est pas en vacances. Bah, si le nouveau Kinvé ne part pas, pas tout de suite en tous les cas, j'adore. Juste une chance de te le trouver. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je vais faire n'importe quoi. Je peux faire tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. Je vais faire n'importe quoi. Je peux faire tout le monde, mais pas toi. Non, ne pars pas. Non, ne pars pas. Non, ne pars pas. Non, ne pars pas. Ne pars pas. Un bonjour à l'antenne. Appelle le 02 38 43 48 00. Guitare, voilà, Flobos. J'adore ce film, il meurt à la fin. Ah oui, bah tant pis pour vous. On est là, c'est Francky jusqu'à 9h, 8h, 9 minutes. Le meilleur du son latina pour vous réveiller, vous emmener au bureau ce matin, sur la tangentielle, comme Emily qui va travailler. Bah oui, il faut y aller, c'est pas les vacances pour tout le monde. Rostéon, classe, et on adore. Écoute, le meilleur de la musique, bon dia à la planète. Que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así. Semana tú eres pa' mí. Pero con...

8h19, ça va être le feu au boulot ce matin, si vous arrivez avec ça, là. Katy Perry, Firework. Salut Claude, qui est connecté là sur Olivier. Salut Francky, belle journée à toi. Je commence dans 20 minutes. Eh ouais, le taf ce matin, ou alors en vacances, hein, comme Elonie, qui emmène ses enfants, les faire garder justement pour aller travailler ce matin. On te souhaite une très très belle matinée, Elonie. Courage à vous, hein, pour le taf. Et puis bon petit déj aussi à Sébastien, qui a arrêté sur une aire de repos sur l'autoroute, là. Qui nous dit, Francky, moi, pause café ce matin, et sur le net, j'écoute Radio Arc-en-Ciel. Ça fait plaisir, la famille. Du son qui arrive avec Céline Dion et Prière Parienne. Bon dia à la planète. On est en direct ce matin, 96.2 FM. Les mains serrées, si c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je m'oubliais, pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Quand je me réveille, c'est merveille, je prie les roses, je dis les bois, les vertus rouges, n'importe quoi, je prie l'hiver, tu s'en vas, mais tous les étoiles, la mer, et le soleil, c'est éclat, et je suis sincère, je peux tout ça, mais toi le ciel, tu n'entends pas, mais toi le ciel, est-ce que t'es là? Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te,

even when I'm losing wind, 'cause I give you all. Do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around forever, mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's on the water. Perfect imperfections, and give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I'm losing wind. 'Cause I give you all. Bienvenue la famille, si vous arrivez, bon dia, et on est bien là. Un peu de kizomba, ça fait du bien le matin pour vous emmener à la porte du bureau, sur le chantier. Salut à Carlos qui est connecté, bonne journée à toi Francky, avec de la kiz, ça fait du bien le matin. Bah ouais, tranquillement, on vous emmène au boulot ce matin, ou alors chez des amis peut-être. Ouais, en vacances, mode jardin aujourd'hui, parce qu'il va faire à peu près beau, j'ai dit. La météo. Ah oui, vous allez pouvoir nettoyer un petit peu le jardin. Aujourd'hui, le soleil devrait faire son apparition au long de la journée avec quelques nuages quand même. Les températures sont à peu près comme hier, hein, 13-14 degrés sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers, avec des températures fraîches. Ce matin, il caillait un petit peu, moins 1 degré, mais le soleil va faire son apparition au long de la journée avec des nuages quand même. Hein. Mais bon, on peut bricoler un peu dans le jardin, hein, bricoler la bagnole, pourquoi pas ce matin. 8h33 minutes du son qui arrive, la Tina, et on adore. Es que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Y atrás. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te muera. Mentirosa, no me importa que de amor te muera. Traición, mami. Eso no para más nada de ahí. Transmite un sentimiento que te incite en aceptar la realidad, es que la verdad se admite. Las velas se derriten, aquel escondite. Tú y yo juntos otra vez, la historia se repite al inverso. Me miro al espejo y converso. Es que no hay otra que te iguale en todo este universo. Pero yo invencible, sigo terrible. Y otro man que me iguale en el mundo imposible. Con permiso, ando de vacilón. Tengo roto el corazón, me pagaron con traición. Con permiso, ando de vacilón. Tengo roto el corazón, me pagaron con traición. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te muera. Me enamoro como baila, me mete en un embrujo y después sola se larga. Me presta una ilusión, el corazón me lo embarga. Y luego te burlas de mí, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué viniste a matarme por dentro? Yo ya no quiero sentir lo que siento. Siempre serás la primera y aunque yo te quiera, ya vete traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me mueras. Le matin c'est bien et c'est Frankie. Arc-en-ciel. 7h, 9h. Frankie le matin sur Arc-en-ciel. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery.

attendu. Maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Dans les années 2000 avec le chanteur de Zouk Love, Sly, hein, on adore, Flemme. Heureux d'être avec vous, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin hier, hein. Vous avez peut-être dansé là-dessus, ce soir. Ah ouais, on va être là, c'est Frankie jusqu'à 9h, 8h45. Et Luciano Reggaeton Fever. Comme un blaster, toujours à l'émotion tourne sur ta playlist. On arrive au fichal et mon équipe est sur la piste. Mon style est révolutionnaire comme Fidel Castro. J'ai trop de niveaux et des ennemis, j'en casse trop. Reggaeton fever, pas de papi chulo. Mueve tu culo, sino va fan culo. Mami, baila conmigo. Tío, bailo contigo. Si seguimos bailando, esto va a ser un castigo. Mami, baila conmigo. Tío, bailo contigo. Si seguimos bailando, esto va a ser un castigo. Dame una noche para estar contigo. Dame una noche para ser tu amigo. Mami, es que sin ti es como un castigo. Pero siempre me siento contento cuando estoy contigo, mi lady. Para mí tú eres mi baby. Yo quiero ser tu papi y que tú seas mi mami. Y esta noche lo que quiero es pelearte más. Pelearte más. Pelearte más. Mami, baila conmigo. Reggaeton Fever, 8h48 minutes. Salut Jeanne qui nous écoute. Salut aussi André qui est là. Salut Joël. Merci d'être là le matin. Ouais, peut-être en repos aujourd'hui, au taf, hein, ou en vacances, en mode tranquillos dans le canap avec le plaid devant Netflix. On est pas mal aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. La taille de ton amour, ça arrive. C'est l'ex Zouk Machine sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, on adore. Yeah, yeah, yeah. Call me, I'm Bonnie. Ça va pas nous rajeunir, ça. Il y a Elisabeth qui me dit, ah, c'est quoi ce titre? Jeanne Faustin, la taille de ton amour, Elisabeth, voilà, je peux répondre à ta question. Ouais, sympatoche, hein. Elle faisait partie à l'époque dans les années 90, celle qui avait fait, vous vous rappelez, la musique dans la peau, et ben après elle s'est lancée en solo. Et puis elle a sorti ce tube, hein, on va dire même un tube planétaire, je dirais, ouais, un super tube. Et justement, des tubes planétaires, on en a plein pour voir en 9h. Belle et l'emmerde, la belle reprise. Loin Singapour, c'est Mour, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent. Loin Singapour, c'est Mour, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare. Solitaire, l'amour.